Fondamentalement, ces syndicalistes, tous les syndicalistes, les dirigeants syndicalistes en général, en Afrique francophone, en tout cas, ceux que je connais et qui m'ont fréquenté, sont d'abord, avant tout, des nationalistes. Avant d'être syndicalistes, il faut dire qu'ils sont nationalistes. C'est certain. Et que la question posée par De Gaulle de la façon dont il l'a posée, il n'était pas possible que nous puissions faire autrement que de voter non. La seule façon de nous empêcher de voter non, c'est d'accepter le principe de l'indépendance au sein de la communauté. Écrit noir sur blanc dans la Constitution, nous votons, quitte à discuter après avec la France. Mais puisque les Français ont refusé, du moins les responsables français ont refusé, à partir de ce moment, nous n'avons plus rien à faire. Et la preuve, la communauté, elle a duré combien de temps? C'est ce qu'il faut se poser la question. Mais est-ce que ça, c'était une prise de position politique ou est-ce que c'était une prise de position syndicale? De l'UGTAN, c'est une prise de position politique. Et nous avions conscience d'avoir fait cette prise de position politique. Historiquement, il n'est pas possible de demander à tous les peuples d'Afrique, de toute une zone de l'Afrique, d'opter pour autre chose que sa dignité nationale à ce moment-là, puisque les autres nous estimions qu'ils n'ont pas pris conscience de ça ou qu'ils n'osaient pas prendre conscience par intérêt, nous ne pouvions pas les suivre. Et si De Gaulle a changé moins de 2 ans après, en déclarant à chose qu'il fallait aller à l'indépendance, ce n'est pas par hasard. Ce que nous avons tenu. Car par la suite, nous, UGTAN, Sékou Touré, lui, il est déjà indépendant, mais moi, j'étais dans la communauté. Mais ceux qui avaient voté, non. Les autres qui avaient voté, oui, comme Modibo et Senghor, nous ont rejoints pour exiger cette même indépendance. Et De Gaulle a été amené, c'est à Saint-Louis du Sénégal qu'il a pris position la première fois. Et je sais dans quelles conditions. Ce n'est pas du tout un plaisir pour De Gaulle de reculer comme il a reculé. Ce n'est pas du tout ce qu'on croit que parce qu'il veut octroyer généreusement l'indépendance. Ce n'est pas vrai. C'est parce que la situation est devenue impossible. Et nous prévoyons ça. Il n'était pas possible de faire accepter ça à un peuple par surprise ou par orgueil, ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous avons considéré. Nous avons conscience d'avoir été dans le sens de l'histoire. Ce n'est pas parce que nous sommes syndicalistes que nous nous désintéressons de la politique. La preuve, c'est que chacun de nous avait un rôle politique. Donc, il ne faut pas cacher la vérité. Il n'y a pas de frontières réelles en Afrique entre le parti politique et les organisations syndicales qu'on a appelées révolutionnaires. Ils ont la même dynamique, ils ont la même volonté de changement. D'une sensibilité tout à fait opposée à celle de Sékou Touré et de Djibo Bakary, le Premier ministre de la République centrafricaine, Barthélémy Boganda, également président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, que nous écoutons présenter ses vœux de bonne année à son peuple le 1er janvier 1959.